الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أو les frères, voici donc en cette occasion, inshallah, une étude du grand livre de Cheikh l'Islam, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala, intitulé Nawaqid al-Islam, qui sont les annulations de l'Islam. Il s'agit là d'une risala très importante dont l'étude est primordiale, car le musulman, il lui est ordonné de mourir sur l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Et cette risala a été écrite en guise de réfutation à ceux qui disent que le musulman, sa religion lui garantit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit la ilaha illallah, qu'il ne sortira jamais de l'islam. Et bien sûr, il s'agit là d'une parole fausse. Et le shir, rahimallah, a voulu, donc par là, réfuter ces paroles, tayyib, car elles sont extrêmement dangereuses. Donc nous allons, inshallah, lire la traduction de l'explication de l'Allama Salih al-Fawzan sur cette risala, et nous allons, inshallah, y ajouter quelques annotations sur des points qui ont besoin d'être éclaircis. Donc le shir commence, rahimallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-shir al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. I'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqida. Donc le shir, Cheikh al-Fawzan, explique ce paragraphe en disant بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ رحمه الله يقول استدير الشيخ محمد بن الوهاب دي إعلام وإعلام سي un فعل الامبيراتيف qui veut dire sache, يعني تعلم وافهم, sache et comprend, du moins apprend et comprend. وهذه الكلمة يؤتى بها لأهمية والتنبيه على أهمية ما بعدها. Il s'agit là d'une formule que l'on emploie afin de mettre en attention un point important qui va arriver. Ensuite, il explique la parole. أن نواقض الإسلام عشرة. Avant tout, nous expliquons que veut dire نواقض. نواقض, c'est le pluriel du mot ناقض. Et ناقض, c'est un mot, ناقض, c'est un mot qui veut dire une annulation, abrogation. مثلاً, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ عَزَلَهَا بَطْقُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Et ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement défilée. Donc le shahid, la partie qui nous intéresse, c'est كَالَّتِي نَقَدَتْ. Le verbe نَقَدَتْ يَنْكُدُوْ, qui veut dire défaire, annuler quelque chose. Et également, comme cela est venu dans le hadith de Maymouna, dans le chapitre du Janaba, qu'elle est venue après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait fait son roussel de janaba, elle est venue pour apporter une serviette. Celui-ci la refusa. Et elle dit, wa ja'ala yankudul ma biyadi. C'est-à-dire qu'il se mit à essuyer, à faire partir l'eau avec sa main. Yankudu. C'est le même verbe. Naam. Ensuite, le shir Shafozen dit, al nawaqid diam naqid. Donc, comme nous avons dit, c'est le pluriel de naqid. Wa yal muqtilat. Ce sont les annulations. Mif nawaqid el wudu. Telles les annulations de l'eau. Ay mubtilatuhu tusamma bil nawaqid wa tusamma bi asbab riddati wa anwa' ridda. Ils sont aussi appelés parmi les causes de l'apostasie, voyez, et les genres de l'apostasie. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim min ajli an yajtanibaha wa yahdhara minha. Et il est très important aux musulmans qu'ils les apprennent afin qu'ils les évitent et qu'ils prennent garde d'elles. Également, nous ajoutons, yani, qu'est-ce que l'islam? L'islam, de façon littéraire, en arabe, cela est izhar al-qaboul wal-khudu', c'est-à-dire le fait de faire apparaître une acceptation, une forme de docilité, d'humilité. Et dans la législation, c'est al-istislamu lillah بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراء من الشرك واهله. Donc l'essentiel de l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par le tawhid et de se laisser diriger par lui dans l'obéissance. Et le désaveu des gens du shirk, ou plutôt le désaveu du shirk et de ces gens. Donc de là, nous voyons qu'une règle primordiale, que lorsque le musulman doit se désavouer du shirk, et ce n'est pas seulement du shirk, mais également du mushrik, de la personne, de l'erreur et de la personne. Naam. Ensuite, il dit, Cheikh Fawzan explique, « L'inel muslim, idha lam ya'lifha, fainu yurcha an yakor afiché in minha. » Donc il dit, c'est le musulman, ne connaît pas cela, c'est-à-dire ses nawaqid, on craint pour lui qu'il tombe dedans. Et également, nous ajoutons que cela fait partie de la religion du fait d'interroger sur le mal. Taïb, parce que celui qui n'interroge pas sur le mal, il risque fortement de tomber dedans. Comme cela est venu dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ennas, kanan nas, ou yas'alun nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr, wa kuntu as'alun al-shar, ma khawfatan an aqa'a fi. » C'est-à-dire, moi, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, tandis que moi, je l'interrogeais sur le mal, par peur de tomber dedans. Et aussi, les savants ont une parole connue qui dit que, yani, la yu'alam haqqat al-shay, il est bimalifat d'ud-dihi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître la réalité d'une chose, si ce n'est en connaissance au contraire. Donc, c'est-à-dire, l'islam, pour le connaître, il faut connaître le kufr. Pour connaître le tawhid, qu'est-ce que le tawhid, il faut réaliser qu'est-ce que le shirk. Également pour la sunna. Pour réaliser qu'est-ce que la sunna, il faut savoir qu'est-ce que la bid'a. Donc il ne faut pas avoir peur de demander et de dire je ne veux pas tomber dedans, je ne veux pas savoir. Il faut savoir, car celui qui ne sait pas a forte chance de tomber dedans, malheureusement. Cheikh Fawzan reprend en disant وَهِيَ مِنَ الْخُطُورَةِ الْأَهَمِيَّةِ بِجْمَكَانِ. Elles sont parmi les choses importantes à connaître. لِيَنَا نَوَقِدَ الْإِسْلَامِ مُمْتَلَاتُهُ وَمَعْلِفَةُ أَسْبَبِ الرِّدَّةِ عَنَ الْإِسْلَامِ مُهِمَّةٌ جِدًّا. C'est-à-dire le fait de connaître ces choses-là, ces annulations et ces abrogations, et ces causes, car ces annulations ont des causes de l'apostasie, c'est-à-dire apostasie, le fait de sortir de la religion. Ridda, voyez, wa khuruj an al-shay, c'est le fait de sortir d'une chose après qu'on y a été dedans. Et nous, dans notre langue, on appelle ça ridda, l'apostasie. El-murted, voyez, c'est l'apostat. Donc là, le shir après va citer quelques adillah du Coran sur le fait que le musulman, par rapport au mot ridda, apostasie, ou qui peut être employé dans le sens de se retourner sur ses pas. Donc il dit, wa riddatu an al-islam, ma'naha ar-rujou an al-islam. C'est le fait de revenir de l'islam, d'en sortir. Wa man irtadda idha raja'a, c'est-à-dire le fait de revenir en arrière. Qala ta'ala, wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Donc ne revenez pas sur vos pas, car vous en retournerez perdant. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et celui qui apostasie parmi vous de sa religion et qui meurt tout en étant mécréant, alors ceux-là, leurs actions seront annulées en ce bas monde et dans l'au-delà. Ceux-là sont les gens du feu, ils y seront éternellement. Il s'agit là d'une mise en garde sérieuse et sévère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant. En précisant, c'est-à-dire celui qui apostasie parmi vous, ô vous les croyants, c'est-à-dire qu'il apostasie de sa religion et qu'il meurt en étant mécréant. Voyez, après le shir dit, c'est-à-dire qu'il meurt sans avoir fait tawbah et n'être revenu dans l'islam. Fakod, après le verset, habitat armaluhu. Il a certes annulé ses actions. Le murted, l'apostat, en sortant de l'islam, tout ce qu'il a fait devient vain. Qu'il ait fait des salawat, qu'il ait fait le hajj, qu'il ait fait le siyam, qu'il ait fait toutes ces choses-là, se raccordant l'islam, tout cela est annulé. Fi dunya wal akhira wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. C'est-à-dire que ces actions sont annulées dans ce bas monde et dans l'akhira, dans l'au-delà. Et ceux-là, ce sont les gens du feu, ils y seront éternellement. Ensuite, le shir cite un autre verset, il dit « Inna allazina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, ash-shaytan sawwala lahum wa amla lahum. » Certes, ceux qui se sont retournés sur leurs pas après que la guidée leur fut éclaircie, ceux-là, shaytan, les a séduits, puis trompés. Ensuite, il cite un autre verset, il dit, يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بكم من يحبهم يحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, celui qui apostasie parmi vous de sa religion, alors Allah viendra avec un peuple qui l'aime lui et que eux aussi aiment, c'est-à-dire qu'ils aiment Allah. Ils seront humbles devant les croyants et puissants sur les kuffars. Ensuite, il précise, man yartad minkum an dini, c'est-à-dire celui qui revient de sa religion. Wa fi hadhihi al-aya at-tahdhir min ar-riddati wal-wa'id 'alayha. Et dans ce verset, il y a une mise en garde contre l'apostasie et la menace qui plane dessus. Ensuite, le shir, hafizallah, cite quelques hadiths se rapportant au même sujet. Il dit, فَقَدْ قَالَ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ لَا يَحِلُّ دَمُ مِرْءِ مُسْلِمِينَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَتَارِكُ لِلدِّينِ وَهَذَا وَالشَّاهِدِ وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ طيب حديث أخرج البخاري حديث عبد الله بن مسعود. Donc la traduction du hadith est, le sang du musulman n'est pas permis sauf dans trois cas. Celui qui a fait zina après avoir connu le mariage. Le nefs bil nefs, c'est-à-dire celui qui tue une personne. C'est-à-dire celui qui tue une personne, un musulman tue un autre musulman, le qasas, son talion, c'est que lui-même sera tué pour cette personne. Telle est l'origine de la chose. Voyez, hada wal shahid. Et celui qui délaisse sa religion. Et cela est la partie qui nous intéresse. Lorsque, dans les kutub, vous entendez un shir qui dit, hada wal shahid, dans une parole, c'est-à-dire, shahid, c'est la parole qui nous intéresse. Il se peut qu'il y ait un hadith très long ou une page très longue qu'il lise et il dit « El shahid hada » c'est-à-dire la parole qui nous intéresse et tel point. Donc là, le shahid de ce hadith est celui qui délaisse sa religion. « Wa al-mufariqu al-jama'a » est celui qui divise le groupe. Ensuite, le shi'a, hafizahullah, c'est un autre hadith et il dit « Man baddala dinahu faqtulu » celui qui change sa religion, alors tuez-le. Un hadith sorti par le Bukhari et l'imam Ahmed. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et également, nous ajoutons un hadith, qui est venu dans le Bukhari, qui est un hadith d'Abi Moussa, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'envoya au Yémen. Alors ensuite, il fut suivi par Mouaz ibn Jabal. Et celui-ci passa auprès d'un homme, et dit, qui est cet homme? Alors, il dit, celui-ci était un juif, qui se convertit à l'islam, puis apostasia et retourna dans la religion du judaïsme. Alors Mouaz ibn Jabal, il a dit, je ne descendrai pas de mon âne tant qu'il ne sera pas tué. Donc il ordonna que cet homme soit tué. Chose qui fut faite. Et le shahid, c'est que lui-même rapporta que le fait que cet homme soit sorti de l'islam et retourne dans sa religion, cela est une chose où il mérite la sentence de la mort. C'est la peine de mort. Contrairement à des gens qui disent que le musulman est libre de choisir sa religion, cela est complètement faux. Naam. Ensuite le shahid reprend en disant « وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّونَ جَمَاعَةً » لهم شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين. Donc il dit ici par contre les apostats sont un groupe, voyez, un groupe de gens qui eux-mêmes ont une certaine influence, une certaine force, alors il est obligé de les combattre comme l'a fait Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه lorsqu'il combattit les murtaddin, c'est-à-dire ceux, les arabes qui après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam refusèrent de donner la zakat, comme cela est venu dans le hadith du Abu Hurayra Muttafiqun alayhi, lorsqu'on dit Muttafiqun alayhi, c'est-à-dire un hadith qui est sorti dans Al-Bukhari et dans Muslim. Que après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq devient le khalif. Et se mit à apostasier certaines personnes. Et se refusèrent de donner la zakat. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, décida de les combattre. Et Omar, radiallahu anhu, et d'autres compagnons se subjuguèrent de cela et disent, comment? Tu vas combattre des gens qui ont dit La ilaha illallah? Et Abu Bakr Siddiq dit, il jura par là qu'il combattra ces gens, voyez, il combattra quiconque qui différenciera entre la salat et la zakat. Car le fait de se refuser de donner la zakat, c'est-à-dire juhudan, par obstination, cela est une chose qui fait sortir l'islam. Donc il jura qu'il combattra ces gens-là. Et même si c'était une brebis qu'ils auraient donnée à l'époque du prophète Mohammed sallam, et qu'aujourd'hui ils se refuseraient de la donner, ils les auraient combattus de la même façon. Et de là les sahaba virent que Abu Bakr était déterminé, et qu'il était sur la science et que la vérité était avec lui. Donc il revient, il reverse leurs paroles et se met dans ses rangs. Et cette histoire, elle est connue. Qu'est-ce que c'est le murtaddin, les apostats, les arabes qui, eux, refusèrent de donner la zakat. Naam. Donc le shi'a reprend en disant « Hatta arda'hum l'islam ». C'est-à-dire qu'Abu Bakr al-Siddiq les a combattus jusqu'à ce qu'il ait rabaissé devant l'islam. Et bien sûr, parmi eux, certains furent tués. Yani, leur mort fut sur le kufr. Voyez, ils moururent sur le kufr. Ensuite, le shir dit, « Wa kutila man kutil minhum ala riddatihi. » Voyez, « Wa ta'aba man ta'aba minhum. » Donc, comme nous avons dit, certains furent tués parmi eux sur leur apostat, et d'autres se repentirent. Souvent, le shir dit, « Fa qatalahum radiallahu anhu. » Donc, il est combattu pour réaliser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا ما ارتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بكم من يحبهم يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Donc c'est le verset que nous avons cité précédemment qui est ô vous qui avez cru, celui qui apostasie parmi vous de sa religion, alors Allah va venir avec un peuple qui l'aime et qui eux aussi aiment, humble devant les croyants et puissant sur les kuffars. Ils combattront sur le sentier d'Allah et n'auront peur d'aucun reproche de parmi ceux qui font des reproches. Souma al-Shir dit, qu'al al-ulama, les savants ont dit, hadil aya nazarat fi Abi Bakr al-Siddiq wa ashabi alladhina qatalu al-murtaddin. Il dit que ce verset est descendu sur Abu Bakr al-Siddiq et ses compagnons, ceux qui combattirent les apostats. Liyana yurbiru ta'ala al-mustaqbal. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset en informant d'une affaire qui allait arriver se passer dans le futur. Car le verset descendu quand? Lors du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela n'a pas encore eu lieu, vu que c'était l'affaire des apostats se passa après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, man yarted, c'est-à-dire, celui qui aposta, qui a apostasie dans le futur. Fa sawfa yatilla. Et Allah viendra avec un peuple. Dit Allah bi Abi Bakr Siddiq. Donc, ce peuple avec lequel Allah viendra, en fait, c'est Abu Bakr Siddiq et c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa qatalu al-murtaddin. Et combattir les apostats. Ensuite, le shir reprend. Wa in kana al-murtad shakhsan wahida fa innahu yu'khadhu wa yustatab. Et si l'apostat est une seule personne, alors on l'emprisonne et on le contraint à faire tawbah. Fa in taba wa illa fa qutil. Et s'il fait le tawba, alors cela est accepté de lui, sinon il est tué. Et il faut savoir que le fait de tuer en islam, cela n'inclut pas forcément un apostat, une ridda. On peut être tué haddan, c'est-à-dire pour avoir commis, avoir violé une loi d'Allah, par exemple le zina. Celui qui fait zina, il se fait lapider. Mais il ne meurt pas apostat. Taïeb, ça c'est qatl haddan. C'est en appliquant une sentence parmi les lois d'Allah. Et il y a le qatl ridda, le fait de tuer l'apostat. Celui-là, il se fait tuer et il meurt en étant mécréant. Car celui qui fait zina, on fait salat sur lui, on le lave. Et on se comporte avec lui comme avec n'importe quel musulman. Par contre, l'apostat, lui, c'est un kafir. Donc le jugement n'est pas pareil entre les deux. À faire attention à cela. Naam. Ensuite, le shir dit, « Walaysa wa misl kafir asli. » Donc il dit, « Le murtad, il n'est pas comme le kafir d'origine. » Vous voyez, le kafir d'origine. « Yana al murtad arifa al haq. » Car l'apostat a connu la vérité. « Wadakala fi dinillah bi ikhtiyarihi wa tu'ihi. » Voyez, c'est-à-dire que l'apostat, en premier, est rentré dans la religion d'Allah de son propre choix, de son propre gré. Wa'talafa an al-islam wa al-haq, et est reconnu que l'islam est la vérité. Fa'izartadda fa'hada tala'ub minhu bid-din. Donc, si jamais il apostasie, cela est une comédie et un jeu de sa part avec la religion. Il joue avec la religion. Lienu alifa al-haq wa dakhala fi, car il a connu la vérité et rentré dedans. Fa'izartadda fa'inu yuqtalu hamiyatan il-aqidah. Donc, si jamais il apostasie, alors on le tue en vue de protéger la aqidah, la croyance. وَهَذَا مِنْ حِفْزِ الدَّرُورِيَّةِ الْخَمْسِ أَوَلُهُ الدِّينِ. Et cela fait parmi la protection des 5 points essentiels, voyez. Et ces 5 points essentiels, que sont-ils? Il y a الدِّين, la religion le premier. ثُمَّ النَّفْس, la vie. ثُمَّ الْمَلْ, les biens. ثُمَّ النَّسْل, qui est le contrôle des naissances, c'est-à-dire savoir et apprendre à connaître les descendances. Souma l'aql, la raison. 5 points essentiels sans lesquels l'homme ne peut vivre. En communauté, de façon générale. Et l'islam est venu pour préserver ces 5 points. L'islam est bâti afin que ces 5 points soient mis en place, soient établis. Et celui qui apostasie, voyez, doit être tué pour préserver l'un de ces points qui est lequel? Ad-din, la religion. Souma al-shir yaqul. Alors le shir reprend en disant, فَلَا يُتْرَكُوا الدِّينُ Al-Ubatan liman yuslimu thumma yartad. Donc on ne laisse pas la religion comme un jouet entre les mains de celui qui se convertit puis apostasie. Bal yuqtalu hamiyatan al-aqida min al-tala'ub. Donc on le tue pour protéger l'aqida, le dogme, voyez, pour protéger l'aqida du jeu, de ceux qui jouent. Wa min al-murtaddin man yuqtalu biduna istitaba. Et parmi les apostats, certains se font tuer sans qu'on leur demande de faire tawba, ils se font tuer directement. Wa huwa min wa huwa man talaghadat riddatuhu. Et c'est celui dont l'apostasie fut sévère, flagrante. Donc celui-là, on le tue sans lui demander de faire tawba, afin de protéger la religion. Et enfin de protéger la première, le premier point essentiel, parmi les cinq que nous avons cités précédemment. C'est-à-dire ces cinq points essentiels, voyez, pour lesquels l'islam est venu afin de les préserver. Ensuite, le shir reprend en disant, donc l'étude de ces annulations sont très importantes. Et les savants ont écrit dans ce sujet plusieurs ouvrages. Et ils ont même des chapitres qui leur sont propres dans les kutub de fiqh. C'est-à-dire le chapitre pour titre, le jugement de l'apostat, du murtad. Voyez. في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد. C'est-à-dire dans tous leurs kutub, ils mettent un chapitre sur le sujet. أو باب حكم المرتد. Qui est une parole similaire. وفي المطولات وفي المختصرات. C'est-à-dire dans les livres, dans les grands livres, les livres longs, les gros livres, et dans les livres résumés. Les épîtres, les petits épîtres, et les petites risales. قالوا أي العلماء قالوا والمرتد والذي يكفر بعد إسلامه. Donc le murtad, l'apostat, celui qui mécroit après avoir, après s'être soumis. Ensuite, imma li'irtiqad bi qalbi, soit pour une croyance dans son cœur. Voyez, comme par exemple le fait de croire que autre que Allah fait descendre la pluie. Hada shirk fi rububiyya. Donc celui qui croit ça, que la pluie vient par autre qu'Allah, après avoir été musulman, il devient kafir. Ensuite, il dit, au shakin yarsulu lahu fi umur ad-din, ou pour un doute qui se produit dans ce qui touche à la religion, qui doute d'une chose. Par exemple, qui doute de l'obligation de la salat. Au fi'lin, ou d'une action. Par exemple, comme le fait an yasbah li ghayrillah, comme le fait par exemple d'égorger pour autre qu'Allah, ou se prosterner pour autre qu'Allah. Kana yasjud li ghayrillah, ou yasbah li ghayrillah. Ou yanzur li ghayrillah, ou qui fasse un vœu pour autre qu'Allah. Fa'adha fi'lun man fa'alahu faqad irtad. Donc celui qui commet cette action, parmi les musulmans bien sûr, a certes apostasié. Et également parmi les choses qui le font sur l'islam, ou qawlin, ou par une parole. Bien yatakallam bi sabbillah ta'ala, ou sabb al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait par exemple qu'il insulte Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou sabb din al-islam, ou qu'il insulte la religion d'Allah. Le musulman qui insulte Allah ou son messager ou la religion, cela le fait sortir de l'islam. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِي وَرَسُولِي كُنْتُمْ تَسْتَأْزِئُونَ لَا تَحْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ. Dites, est-ce d'Allah et de ses versets de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir été musulman. فَرِدَّتُ تَكُونُ بِالْقَوْلِ. Donc, l'apostasie peut être par la parole, comme le fait d'insulter Allah. وَتَكُونُ بِالْفِعْلِ, elle peut être par une action, comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah. وَتَكُونُ بِالْإِعْتِقَادِ, par une croyance, comme le fait d'avoir de rendre haram ce que Allah a rendu halal ou le contraire. وَتَكُونُ بِالشَّكِّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ كَمَنْ شَكَّ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ, ou peut-être aussi par le doute, parmi une chose de la religion, comme le fait de douter de l'obligation de la salat. أَوْ شَكَّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ, ou celui qui doute de l'obligation de la zakat. أَوْ شَكَّ فِي التَّوْحِيدِ, ou qui doute sur le tawhid. فَإِنَّهُ يَكْفُرْ وَالشَّكْ وَالتَّرَدُّدْ بِنَا أَمْرَيْنِ. Et le shak, le doute, c'est le fait d'hésiter entre deux choses. Le fait d'être perplexe entre deux choses. وَأَنْوَعُ رِدَّةِ كَثِيرًا. Donc les noms d'apostasie sont très nombreux. وَالشِيْرْ رَحِمُ اللَّهِ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ أَهَمَّهَا وَأَعْظَمَهَا. Donc il dit que le shir, dans cette risala, n'a cité que les plus importants. Voyez, les plus importants sont de 10. À savoir que certains savants sont partis jusqu'à 400. On en a dénombré plus de 400. Et pourquoi aussi également le Shir a cité ces 10-là, ces 10-là? D'une part, car à son époque, elles étaient fortement répandues. Et d'autre part, car ces 10 nawaqid sont muttafiq alayha. C'est-à-dire qu'il y a unanimité sur leur jugement. Car certaines choses, par exemple, dans les salat, celui qui dit sa salat, par exemple, il y a un khilaf sur la mas'ala. Il y a divergence. Certains disent que cela fait sortir l'islam, d'autres disent que non. Seulement ces 10 points-là, tous les savants sont unanimes. Fait ijma' al-ummah, tayyib, ala ihkamiha. Donc il y a ijma' que ces 10 nawaqid, tayyib, sont établis. Après le shi'i reprend. Wa illa fal nawaqid kathira. Donc les abrogations, les annulations de l'islam sont très nombreuses. Sajidunaha fi kutub al-fiqh fi bab hukm al-murtad. Et vous le trouverez dans les livres de fiqh, dans le jugement, dans le chapitre du jugement sur le murtad, l'apostat. Wa al-shi'a Abdullah ibn Muhammad rahimahullah isaratun ismuha al-kalimat al-nafi'a fi al-mukaffirat al-waqi'a. Donc il cite également que le shi'a Abdullah ibn Muhammad rahimahullah a une risala sur le même sujet qui s'appelle al-kalimat al-nafi'a, c'est-à-dire les paroles profitables fi al-mukaffirat al-waqi'a, sur les choses qui rendent mécréants ou qui se produisent, non, qui se produisent. Wa al-mabu'a madbu'atun fi al-durur as-sunniyya wa al-an لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا تكفروا الناس يكفي اسم الإسلام ويكفي أنه يقول أنا مسلم ولو فعل ما فعل ولو ذبح لغير الله ولو سب الله ورسوله ولو فعل ما فعل ما دام أنه يقول أنا مسلم فلا تكفروا. Et le shir dit après, et surtout à cette époque où l'ignorance est propagée et que la religion est devenue étrangère. Des gens sont apparus, parmi des gens qui s'apparentent à la science, et ils disent, ne rendez pas mécréants les gens. Il suffit juste que la personne dise, je suis musulmane pour qu'elle soit musulmane. Vous voyez? Quoi qu'il fasse, même s'il est grand porte qu'Allah, même s'il insulte Allah ou son messager, quoi qu'il fasse, à partir du moment où il dit, je suis musulmane, on n'a pas le droit de rendre mécréant. Et cette parole-là est parmi les grands égarements. Et c'est une chose qui ressemble à la parole des murji'a. Et ils sont de plusieurs catégories. Voyez, et parmi cette catégorie, Murji'a al-Jahmiya, c'est ceux qui disent que al-Iman, le fait d'être croyant, c'est le fait de le prononcer seulement. De dire je suis croyant, cela suffit. Et ensuite tu fais ce que tu veux, tu restes musulman pour eux. Et bien sûr, cette parole-là est du kouf. Car en disant cela, les munafiqoun rentrent dans l'islam. Tabaran. Nam. Donc le shi'i reprend en disant wa la hadha yadkhulu fi tasammi al-islam al-batiniyya wal-karamita. ويدخل في الكبوريون ويدخل في الروافد ويدخل في القاديانية ويدخل في كل من يدعي الإسلام. Donc il dit, en se basant cette parole, voyez, que tout d'autres sectes parmi les sectes qui ne sont pas comptées parmi les 72 sectes de l'islam sont considérés comme musulmans, comme les batiniya ou les karamita, les kubouriyun, ceux qui sont dans les tombes. El Batiniya, ou El Karamita, ou El Rawafid sont à peu près une secte qui tourne à peu près autour du même dogme. Elles sont divisées sur certains points, mais tout tourne autour d'un même point. Et Yahani, par exemple, les Batiniya sont des gens qui disent que le Coran, son interprétation, ce qui apparaît, est une interprétation cachée. Et El Rawafid, ils sont connus. Et El Qadiyaniya, c'est une secte qui apparaît en Inde, voyez, et qui parmi leurs égarements, dont le fondateur prétend qu'il est un prophète et il permet beaucoup de choses qui sont interdites. Il y a inchallah une traduction présente sur le site pour celui qui veut y retourner. Donc en prononçant ces paroles là, nous allons faire entrer dans l'islam toutes ces sectes égarées, mécréantes, et les compter du nombre des musulmans, chose qui est extrêmement grave. Ensuite le shir dit yaqulun la tukafiru ahada, ne rendez mécréant personne, walau fa'ala ma fa'al, quoi qu'il ait fait, et quelle que soit sa croyance, a'udhu billah. La tufarriqu bayna al-muslimin, ne divisez pas entre les musulmans. Subhanallah, nahnu la nufarriqu bayna al-muslimin, walakin ha'ula laysu muslimin, li'annahum lamma irtakabu nawaqid al-islam, kharajun min al-islam. Donc il dit subhanallah, nous ne divisons pas entre les musulmans. Seulement ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont apostasié et ceux qui ont été cités plus haut, ne sont pas des musulmans, car ils ont provoqué ce qui causait l'annulation de leur islam. Donc ils sont sortis de l'islam. Ensuite, le shi'i reprend en disant, فَكَلِمَتُ لَا تُفَرِّقُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَلِمَتُ حَقٌّ Al-muradu biha batil. Donc il dit, ne divisez pas les musulmans, il s'agit d'une parole qui est réelle, seulement en vue d'un sens faux. Et cette parole-là, à la base, kalimatul haq wa biha batil, c'est une parole de Ali ibn Abi Talib, qui l'a dit au Khawarij, lorsque ceci dire le jugement, inna al-hukm lillah, le jugement n'est que Allah. Car il reprochait à Ali d'avoir pris le jugement, d'avoir mis des hommes pour appliquer le loi d'Allah. Donc Ali leur appliquait en disant kalimatul haq urida biha batil, c'est-à-dire ce que vous dites c'est vrai, le jugement n'est que Allah, mais vous, votre but est faux. Vous utilisez cette parole-là, voyez, dans un but erroné. Donc on reprend, le shir dit lina sahaba radiallahu anhum lam irtadda man irtadda min al-arab ba'd wafat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qataluhum. Car les sahaba, lorsque apostasèrent ceux qui apostasèrent parmi les arabes, ils les combattirent. Ma qalu la tufarriqu bayna al-muslimin. Et les sahaba n'ont pas dit cela. Ne divisez pas entre les musulmans. Liannahum laysu muslimin ma damu ala ridda. Car ceux-là ne sont pas des musulmans tant qu'ils restent sur leur apostasie. Le fait d'avoir refusé de s'acquitter de la zakat. Wa hadha ashadu min annaka tahkumu al-kafir bil-islam. Et cela est pire encore que si jamais tu rends musulman un kafir. C'est-à-dire, il est pire pour toi de sortir un musulman, c'est-à-dire de l'islam, que de rentrer un kafir dans l'islam. Wa sayatikum anna min ridda man lam kafir kafir. Et parmi les choses de la ridda, comme cela viendra parmi les points, inshallah, que le fait de ne pas rendre le mécréant, cela rend soi-même mécréant. Mais attention, à ne pas confondre, ce n'est pas tout takfir, voyez, qui est applicable dans cette règle. C'est le fait de ne pas rendre le mécréant qui est clair. Une mécréance claire, comme le chrétien, le juif, le bouddhiste et autres, l'athée, le communiste, tous ces gens-là. Il ne s'agit pas, par exemple, d'un quelqu'un qui était musulman, ensuite a commis un naqid de l'islam, a appliqué une chose qui est sortie de l'islam, sur qui il y a encore un chèque, un doute. Là, ce qui est voulu par là, c'est une personne qui est un mécréant purement, dont la mécréance est claire. Celui-là, celui qui n'aura pas mécréant, devient lui-même mécréant. Pourquoi? Car il dément par cela le Coran et la Sunna. Comme cela viendra Inch'Allah en détailler plus tard. Naam. Fa'adil mas'ala, fa'ya, fa'ya, man lam kafir al-kafira, au shakka fi kufri, fa'wa kafirun misluhu. Donc il s'agit là du sujet que celui qui n'aura pas mécréant, le mécréant, ou qui doute de sa mécréance, eh ben lui-même devient mécréant. Et ceux-là, ils disent, la tukafiru ahadan, walau fa'ala ma fa'al. Et ces gens-là, parmi ceux qui ont été cités précédemment, ceux qui s'apparentent à la science, parmi ces gens qui ont des paroles fausses, ils disent, ne rendez mécréant personne, quoi qu'il fasse. Madama ana yakul la ilaha illallah. Tant qu'il dit, la ilaha illallah. Pas de divinité, digne d'adoration, si ce n'est Allah. Watruku ha'ula illazine da'un al-islam. Et ils disent, vous, faites face aux athées et délaissez ceux-là, ceux qui prononcent l'islam. Voilà ce qu'ils nous disent de faire, ces gens-là. D'aller combattre les athées et de délaisser ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Même si ces gens-là ont commis quoi? Une ridda. Nakul lahum, donc le shir dit nakul lahum, nous disons ces gens-là. Et ces gens-là, les apostats, sont pires que les athées. Car les athées n'ont jamais prétendu s'apparenter à l'islam et ni que ce sur quoi ils sont fait partie de l'islam. أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلام. Et ces gens-là, c'est les apostats, trompent les gens, car ils prétendent que la mécréance, c'est l'islam. En s'en disant musulmans, ils font croire aux gens que ce quoi ils sont, voyez, que cela fait partie de l'islam. Donc cela est très dangereux. فهؤلاء أشد فردته أشد من الإلحاد والعياذ بالله. Donc l'apostat est pire que l'athéisme. Et le refuge est auprès d'Allah. فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها. Et nous obligatoire de connaître ces positions-là, ou plutôt de connaître nos positions de ces choses-là, et que nous les distinguions et que nous les éclaircissions. لأننا الآن في تعمية. Car aujourd'hui nous sommes dans un aveuglement. فهناك ناس يؤولون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون. Car à notre époque, nous avons des gens qui écrivent des livres, et qui émettent des critiques, et qui font des conférences, mais qui disent, ne rentrez pas mécréants les musulmans. Et cette parole-là, bien entendu, est complètement fausse. Wanakul, le shir dit Wanakul, nous disons, nahnu, nous kafiru man kharajana l'islam, amma al-muslimu fala yajuzu takfiruhu. Nous disons que nous rendons mécréants celui qui sortit de l'islam. Mais quant aux musulmans, il n'est pas permis de le rendre mécréant. Donc, ces paroles, Inch'Allah, nous avons fini la Muqaddima qui concerne ce livre. Et Inch'Allah, dans le ders suivant, nous rentrerons dans le premier naqid, tayyib, qui est le shirk billah. Fa naktafi bi hadha, walhamdulillahi rabbil alamin.